Chacun des outils sur lesquels vous allez parler permet ou ne permet pas d'assurer cette validité. Alors maintenant, je suis l'ordre qui a été annoncé. Donc nous commençons par le thème de la planification, une réponse du droit face au changement climatique. Noé Girardin, qui est doctorant à Paris Tech. Voilà, enfin c'est Agro-Paris-Tech et Université Paris-Saclay. D'accord. Ben, parce qu'il voilà. y a beaucoup de regroupements. Alors vous allez nous expliquer comment s'applique la planification en la matière. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction. Et d'ailleurs je vais rebondir dessus parce que vous avez parlé de la réinvention d'outils ou d'instruments. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la planification climatique, en matière climatique. Et en réalité, il s'agit d'un instrument qu'on peut considérer comme novateur quant à son objet, mais ça s'inscrit dans une perspective plus longue d'utilisation de la planification dans un certain nombre de domaines de l'action publique. Et donc, pour se limiter à la France, on peut facilement dire que c'est un instrument classique depuis un demi-siècle, dans des domaines tels que le développement économique. Là, si on remonte à l'après Seconde Guerre mondiale, on peut remonter à cette période avec la création du commissariat général du plan et ensuite des plans quinquennaux. Et également l'utilisation très classique de la planification en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ça, je ne reviendrai pas dessus, mais on peut citer la loi d'orientation foncière de 1967, créant les plans d'occupation des sols et les schémas d'aménagement et d'urbanisme, qui ont ensuite donné lieu au PLU et au SCOT. Et donc là, on voit que c'est un instrument relativement classique. D'ailleurs, petite précision, la planification, en fait, a deux visages. Il y a la planification qu'on pourrait plus appeler programmation, programmatique, donc qui est la fixation d'objectifs à moyen ou long terme dans tel ou tel domaine de l'action publique. Et ensuite la planification qui s'attache plus à un aspect spatial, donc là avec l'utilisation des zonages, et bien entendu les plans locaux d'urbanisme sont un exemple parfait. Donc en matière d'environnement, il est assez classique de dire que c'est un domaine qui est propice à l'émergence de nouveaux instruments d'action publique et d'instruments d'action publique réinventés et réadaptés à de nouveaux enjeux, ici les changements climatiques. Alors je vais limiter mon propos au cas de la France et ensuite même plus particulièrement au cas à l'échelon infranational, donc régional et local. En France, la planification climatique connaît ses débuts au milieu des années 90, mais surtout au début des années 2000, avec notamment le programme national de lutte contre le changement climatique de 2000. Je ne vais pas citer tous les programmes parce qu'il y a un certain nombre qui se sont enchaînés. On peut citer le plan climat de 2004, révisé en 2006, qui est un point important, j'y reviendrai. Ensuite, il y a des planifications un peu plus particulières, comme le plan national d'allocation des quotas, qui s'inscrit dans la mise en œuvre des marchés d'émissions de gaz à effet de serre. Et, petite précision, ce recours à la planification est toujours d'actualité parce que, comme vous le savez certainement, la loi de transition énergétique d'août 2015 a créé la stratégie nationale de la carbone avec les budgets carbone ainsi que la programmation pluriannuelle de l'énergie, bien que celle-ci soit une réadaptation d'un outil déjà existant. Donc, moi, je parlerai plus spécifiquement de la planification au niveau territorial, donc au niveau régional, à entendre au sens de région administrative française, et au niveau local. Donc, ça regroupe les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, et les plans climat, énergie, territoriaux, qui ont connu des évolutions récentes. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Pourquoi s'intéresser à cet échelon? Alors que c'est vrai que depuis le début de la journée, il est beaucoup question de l'échelon international, c'est parce qu'il ne faut pas oublier le rôle essentiel de l'échelon local en matière de lutte contre les changements climatiques. En France, on estime que les collectivités territoriales sont responsables d'environ 12% des émissions de gaz à effet de serre du fait de leurs compétences et de leur patrimoine. Mais, chose plus intéressante, on estime que les collectivités territoriales peuvent jouer sur 50% des émissions de gaz à effet de serre, environ, du fait des politiques publiques qu'elles mettent en œuvre, en matière de transport, d'urbanisme, de gestion des déchets, et ainsi de suite. Donc, d'où l'importance de s'intéresser à ces échelons. Et finalement, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la pertinence des documents de planification aux échelons régionaux et locaux, et en quoi sont-ils des instruments adaptés pour faire face aux enjeux des changements climatiques. Donc là, il y a vraiment deux aspects, à la fois la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation au changement climatique, point très souvent oublié. Donc, je ferai en deux parties. Tout d'abord, un regard rétrospectif sur les documents existants, leur intérêt, leurs limites face aux enjeux du changement climatique. Et ensuite, j'esquisserai un regard prospectif sur les nouveaux documents que sont le SRADET, c'est-à-dire le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, et les nouveaux plans climat, air, énergie, territoriaux. Alors, je ne vais pas revenir sur les cadres juridiques des documents existants. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, les connaissent, et ça serait un affront de revenir sur des points si connus, mais quelques points quand même. Tout d'abord, un petit rappel, la planification locale et régionale sur les sujets de changement climatique en France est passée, a connu un mouvement. On est passé d'instruments optionnels basés sur le volontariat à des instruments obligatoires. Tout d'abord, des instruments optionnels, c'est le plan climat national de 2004 qui a incité les collectivités territoriales et leurs groupements à élaborer des plans climat territoriaux. Dans les faits, si on regarde la proportion de collectivités en ayant pris, elle est très faible. Et un autre constat intéressant a été fait, c'est que les collectivités qui ont pris des plans climat territoriaux sont en fait des collectivités qui, de toute manière, étaient déjà engagées en matière de politique environnementale et sur les sujets climatiques. Deuxième étape, les lois Grenelle 2009-2010. Là, c'est vraiment un tournant très important en matière de planification climatique, puisqu'il y a la création des schémas régionaux climat air énergie, SRCAE, et ces lois rendent aussi obligatoires les plans climat énergie territoriaux pour les collectivités et groupements de plus de 50 000 habitants. Donc là, on voit qu'on passe dans le domaine de l'obligatoire. Alors, je ne reviendrai pas justement sur le cadre juridique, je ferai trois remarques sur les schémas régionaux climat air énergie, trois remarques qu'il sera intéressant de garder en tête lorsque les futurs SRADET seront élaborés. Tout d'abord, il est intéressant de voir que les schémas régionaux climat air énergie ont pris la succession des plans régionaux de qualité de l'air. Donc on voit qu'en fait, la thématique climatique est venue s'ajouter à la thématique de qualité de l'air. Et là, il y a eu tout un travail, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu tout un travail lors des travaux du Grenelle et même auparavant, et notamment deux rapports de Philippe Richer en 2007 et en 2008, mettant en avant le caractère intrinsèquement lié entre thématique du climat et thématique de l'air. Deuxième point, vraiment important, et là c'est à garder en tête pour l'aspect prospectif, c'est que dans les schémas régionaux climat, air, énergie, on observe que ce qui est repris en matière d'objectifs, ce sont des objectifs fixés au niveau de l'Union européenne, par exemple la règle des 3x20 pour 2020, ou au niveau du droit national, comme le facteur 4. Alors, ça, certes, c'est bien pour se conformer au droit national, mais le problème, et ça, ça a été mis en avant par plusieurs rapports, dont un rapport interministériel de 2013, c'est que ces objectifs ne sont pas, dans certains cas, pas adaptés aux réalités du territoire. Donc, les régions avaient repris ces objectifs tels quels, sans prendre en compte, par exemple, les potentialités de création en matière d'énergie renouvelable, par exemple. Et ce point est très important parce que si on observe que les objectifs sont repris tels quels, la planification perd toute son utilité, si c'est juste retranscrire des normes nationales à un contexte régional sans prendre en compte les spécificités de chaque région. Troisième point, mais ça je pense que c'est un constat qui a été fait de manière plus large, c'est l'absence ou la quasi-absence des questions d'adaptation au changement climatique au profit plutôt des questions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Une des raisons qui explique ce constat est le fait que pour un certain nombre d'élus, et ça il y a eu plusieurs études en sociologie de l'environnement sur cet aspect, s'adapter au changement climatique, ça serait renoncer face au changement climatique. Ça serait baisser les bras et finalement renoncer à essayer de limiter le changement climatique. Mais dans la réalité, tous les scientifiques s'intéressant, enfin, toutes les personnes s'intéressant aux questions des changements climatiques vous diront qu'il faut bien entendu articuler les deux, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique. Alors, là, c'était un petit point sur l'existant. Alors, on voit, au vu de ces points, que la planification a pour intérêt tout d'abord cette vision à moyen et long terme. Les schémas régionaux, c'était des échéances, enfin, ce sont des échéances à 2020 et 2050, donc ça permet une vision sur le long terme, sur des changements particulièrement adaptés à ces problématiques. Et ça, c'est vraiment mis en avant lorsqu'on discute avec des personnes qui travaillent sur ces thématiques dans les collectivités territoriales et dans les associations. Deuxième intérêt, la planification permet de connaître tout simplement les territoires, de connaître quels sont les potentiels de production d'énergie renouvelable, de connaître quelles sont les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, quels sont les différents secteurs qui consomment en matière de consommation énergétique. Et ça, c'est vraiment un préalable à toute planification et à toute décision réfléchie sur les sujets des changements climatiques. Et troisième point concernant les intérêts de cette planification, c'est le point le plus important, c'est la concertation en amont, durant l'élaboration des documents de planification, parce que tous les documents de planification, que ce soit les schémas régionaux, les plans climat-énergie territoriaux, il y a une étape de concertation avec différents acteurs publics et privés qui est prévue. Et ce point est vraiment très important, au point qu'on peut dire que la planification, avant d'être un document, c'est une démarche. Finalement, un document qui a des beaux objectifs mais auquel personne n'est associé n'a peu de valeur. Et d'ailleurs, il y a une étude assez intéressante sur la planification énergétique municipale en Suède qui est sortie l'an dernier, et qui a bien montré que la concertation est vraiment essentielle à la fois concernant la qualité des documents de planification, du fait de la réunion de plusieurs expertises, mais aussi de leur légitimité. Et ça a bien été démontré que les acteurs qui sont exclus des processus de concertation sont les plus à même de contester les documents de planification et de refuser de les appliquer. Après, la planification peut également permettre de rendre lisible une politique publique complexe. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également l'argument contraire, parce que, et ça je pense que vous l'avez déjà entendu, il y a toutes les critiques concernant l'empilement des plans, programmes, schémas. Certains parlent de schématologie. Il y a aussi question de millefeuille des plans et schémas, en écho aux millefeuilles territoriales. Donc là, on voit que c'est une question très débattue. Et notamment pour certains élus, la planification est vue, et ça c'est vraiment un discours qu'on rencontre, comme un moyen de retarder l'action réelle sur les territoires. Et donc j'en passe, malgré ces quelques critiques, la planification reste un instrument mobilisé dans les réformes récentes, et j'en passe au SRADET, donc les futurs schémas régionaux de l'aménagement et du développement durable et d'égalité des territoires. Alors ce sont des documents. Certains les ont appelés les schémas des schémas, parce que ce sont des documents intégrateurs au niveau régional, qui vont donc réunir à la fois le schéma régional climat-air-énergie, le schéma régional de cohérence écologique, le plan de gestion des déchets, le plan régional de gestion des déchets, et ainsi de suite. Et donc, le but, d'ailleurs salué par à peu près tout le monde, c'est d'avoir une vision intégrée de toutes ces politiques, et notamment sur les aspects environnementaux. Le problème, c'est qu'on peut réellement se demander quel est l'avenir des questions climatiques dans ces documents, parce que pour plusieurs raisons. D'une part, lorsqu'on voit les dispositions les concernant, donc là je renvoie à l'article L4251-1 du Code général des collectivités territoriales, il est question des éléments essentiels des documents sectoriels. Donc le problème, c'est qu'on risque d'avoir une perte de précision entre les anciens SRCAE, et les nouveaux schémas régionaux. Premier point. Deuxième point, on peut se demander quelle sera l'articulation entre les différentes thématiques. Ces schémas, il faut bien se dire qu'ils vont aborder les questions de climat, d'air, d'énergie, de déchets, de biodiversité, de transport. Et donc, quels seront les arbitrages qui seront faits entre ces différentes thématiques? Et là, il y a toujours un risque, c'est de se dire qu'il y a des arbitrages qui pourront être faits en défaveur des questions climatiques, entre transport, climat, entre surtout entre transport, climat, déchets, climat, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des raisons de s'inquiéter. Lorsqu'on voit notamment le décret du 3 août 2016 qui a précisé le contenu des nouveaux schémas régionaux, parce qu'on voit que c'est présenté sous forme de chapitre, et par exemple, il n'y a pas de lien qui est fait entre les questions de transport et les questions d'émissions de gaz à effet de serre. On voit que les questions de transport doivent répondre à un certain nombre d'objectifs, qui sont la réponse à une offre, mais il n'est pas fait de lien direct avec les questions climatiques. Donc finalement, on risque de se retrouver avec un schéma déjà assez énorme, mais où c'est juste une juxtaposition de mesures, de politiques publiques, sans lien entre elles, et sans qu'elles soient réellement pensées entre elles. Et là, on perdrait tout l'intérêt d'un schéma régional intégrateur. Donc, il y a, d'ailleurs, c'est des points de vigilance qui ont été soulevés par des réseaux, des associations comme le réseau Action Climat France, dans un rapport de 2007. Donc, on est face à un schéma qui se veut intégrateur, mais qui, au final, il faut s'interroger réellement sur les conséquences sur les politiques publiques qui seront menées, notamment en matière climatique. Et là, il y a un grand enjeu pour les conseils régionaux, ça sera une capacité à travailler de manière transversale. Parce que l'un des constats qui est souvent fait, c'est que dans les conseils régionaux, par exemple, il y a des directions et des services qui travaillent en silo, chacun sur des thématiques, déchets, climat, biodiversité, sans réellement parler entre elles. Ça, c'est vraiment une réalité. Quand j'ai fait des entretiens avec des personnes au sein de conseils régionaux, elles parlent avec les gens de leur service, mais ça va rarement au-delà de leur direction, voire même au sein des services. Des fois, on sent qu'il y a des incompréhensions entre les spécialistes des différentes questions. Donc, on voit que la planification telle qu'elle est prévue dans les réformes récentes, je n'ai pas précisé, mais les SRADET, c'est la loi NOTRe d'août 2015, nouvelle organisation territoriale de la République. Donc, la planification intégrée est saluée par tout le monde. La volonté est là, mais le problème, c'est qu'il faudra, dans les années à venir, faire tout particulièrement attention à la manière dont cette planification est mise en œuvre pour voir si elle ne se fait pas au détriment de questions très importantes comme celle des changements climatiques. Je pense que je n'ai plus le temps. Terminer rapidement, là. Je rajoute une phrase, parce que la question des SRADET est vraiment centrale. Les nouveaux plans climat, air, énergie, territoriaux, j'allais dire, on peut poser une question un peu provocatrice, c'est de dire quel est l'avenir de la thématique climatique dans ces plans climat. Parce que la loi de transition énergétique a ajouté un volet air, et il se trouve qu'il est démontré que la question de qualité de l'air peut être vue comme, politiquement parlant, plus vendeur. Notamment parce qu'il peut y avoir des résultats visible assez rapidement, aussi bien sur les pics de pollution, sur la santé des habitants du territoire, sur l'attractivité du territoire, ce qui est beaucoup moins le cas concernant les questions climatiques, parce que un élu qui explique qu'il a réussi à réduire la pollution de l'air, ça peut être vu de manière appréciable, mais dire qu'on a réduit de tant de centaines de tonnes de CO2 en 5 ans, ça ne parle pas à grand monde, et ça ne représente pas grand chose, et ça n'a pas un impact direct sur le territoire. Donc, même pour les plans climat, il y aura un point de vigilance à avoir concernant la place de la thématique climatique en leur sein. Merci. Merci, vous nous avez très bien présenté donc un outil qui existait effectivement auparavant, mais qui est adapté progressivement aux questions nouvelles qui sont posées. C'est exactement le bricolage que j'évoquais. Alors, vous l'avez fait de façon très, je dirais, très utile, parce qu'à la fois, vous donnez les informations et vous présentez les critiques, notamment sur le risque d'une perte de visibilité, sur les problèmes d'intégration. Je crois que ce que je retiens aussi, c'est que vous montrez que Il s'agit d'un processus en mouvement. Il ne s'agit pas de quelque chose de statique. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qu'on puisse juger en l'arrêtant, en l'imaginant stable ici et maintenant. Il y a un processus qui se met en place et c'est sur la durée qu'il peut révéler une certaine efficacité, même s'il y a des accidents de parcours. Et puis en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de nous placer à un niveau encore différent, puisque on a beaucoup travaillé sur le niveau national, sur le niveau international, mais peut-être moins sur le niveau local, infranational. Et pourtant, il est très important aussi, d'autant qu'il y a des relations horizontales entre les niveaux locaux. Donc ça, c'est une des dimensions de la complexité, effectivement. Mais ça fait partie peut-être de ce dont on a besoin dans ces domaines, c'est d'une pédagogie de la complexité. Il ne faut pas raconter qu'on va tout simplifier. Il faut essayer de faire comprendre pourquoi